Quand Paul Gauguin retourna à Tahiti pour son second séjour en 1895, il vécut d'abord dans une demeure indigène. Et 2 ans plus tard, il se fit construire une maison dans le style tahitien. Il sculpta des panneaux pour les 2 habitations et ce panneau a vraisemblablement été sculpté pour l'une ou l'autre de ces habitations. Si sa disposition originale n'est pas claire, l'arrangement était probablement similaire à celui de sa demeure des Marquises dont il fit l'acquisition plus tard. Des panneaux sculptés encadraient l'entrée dans une disposition qui rappelait les linteaux des maisons maoris locales. En imaginant et en façonnant à la main des œuvres décoratives pour ses différentes demeures, Gauguin cherchait à réaliser son rêve qui consistait à intégrer l'art dans la trame de la vie quotidienne.